بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي علامات الاسم؟ إضافة. نعم. وعلامات الفعل؟ علامات الفعل بقد والسين وسوف وتاء التحنيف الساكنة. On avait rajouté aussi le damir possible. Non. C'est ça le damir. وعلامة الحرف. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم. On accepte les علامات الاسم ليس الفعل. طيب اليوم سندخل في باب الإعراب والبناء. وعلامنا هذا الباب وقلب الكتاب. هذا وقلب النحو. C'est ça l'essentiel. Et c'est de là que tout va apparaître. Le but de ce livre, c'est هذا. معرفة الإعراب والبناء. والنحو. Tu connais l'إعراب, le kalima. Par la suite, ces signes. وهكذا. Ça, c'est la base du livre. قال المصنف في المتن رحمه الله تعالى. باب الإعراب. الإعراب هو تغير أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. C'est quoi l'Iarab? C'est le changement de la fin du mot pour la cause des عوامل, on traduira ça par agent, des choses qui ont agi sur ce mot. En fait, quand on dit agent, la chose qui ont agi sur ce mot, qu'il soit prononcé, que cet iarab soit prononcé ou soit sous-entendu. Là, on faisait notre dire. Awamil, c'est ça, c'est les choses qui agissent, traduit par agent, mais bon, ça fait un peu agent, ça fait un peu. Voilà. Qalef Isharh. لما فرغ المصنف من بيان الاسم والفعل والحرف شرع في بيان ان كل واحد منها لا يخلو اخره من اعراب او بناء. هذا après que le مصنف ait parlé du ism et du fi'l et du harf, il veut te démontrer que chacun de ces kalima ne sort pas de ces deux choses là, soit l'i'rab soit le bina, à la fin du mot, soit être mu'rab soit il va être mabni. Après, on va expliquer chacun d'entre eux. وَالْإِعْرَابُ وَتَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ لِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ. Donc après, il cite l'i'rab comme il est dans le matn. C'est que la fin du mot échange à cause des choses qui ont agi dessus. أي تَسْيِرُ أَحْوَالِ أَوَاخِرِ الْكَلِمَ مِنْ حَالِ الْرَفْعِ إِلَى حَالَةِ النَّصْبِ أَوْ الْجَرِّ بسبب دخول العوامل. Que le kalima elle passe, par exemple, elle est marfoua, après elle devient mansouba ou majroura ou même majzouma à cause d'un agent, une chose qui agit dessus. مثال التغير الحاصل في حركة آخر رجل من قول الله تعالى وقال رجل نصب قميه. Donc là, quand il y a Rajulun, ici il est marfou'. À la fin, il y a une damma. Parce qu'il est fa'il, c'est un sujet. Ça va arriver après. C'est quoi le marfou', c'est quoi le mansoub, quoi le majour, ça va arriver. Et fi aya ukhra qulu ta'ala, ataktuluna rajula. Donc là, Rajulun, il est devenu quoi? Mansoub. Il n'est plus marfou', il est mansoub. Car une chose a agi sur lui qui l'a rendu mansoub. Là, il est marfou' bihi. Dans ce verset. Wa qala Allah ta'ala awhayna ila rajulin. Awhayna ila rajulin. Le rajulin, il est quoi? Majrour. À la fin, kasra. Pourquoi? Car un amil est entré dessus, il a rendu majrour. Donc là, rajulun ou rajulan ou rajulin, ma dhanara, que la fin du mot la haraka du mot à la fin a changé. Pourquoi? À cause d'un amil qui est entré dessus, qui a changé cette i'arab, qui a changé l'i'arab du mot. Et là, il a donné l'exemple avec Asma, ça peut être des affaires kazalik. Et ce changement, il y a de l'eau à la tarir, kazalik, qui maqam, fi maqamihi, fi l'jumla. Son statut dans la phrase, il change également. Car l'arabe à la fin du mot te donne le statut du mot dans la phrase. Donc, s'il change, c'est que le statut dans la phrase, il change aussi. Dans le premier verset, Rajoul, il est fa'il, sujet. Dans le deuxième verset, il est maful bihi. Dans le troisième, il est majroub. Car harf jar est entre dedans. هذا في القرآن. في الآية الأولى رفع رجل لأن العامل قال عمل فيه رفع لأنه فعل. Le عامل c'est le فعل. L'agent qui a changé la fin du mot c'est le فعل. Là le mot رجل il est فعل مرفع. وفي الثانية نصب رجلا لأن العامل تقتلون عمل فيه النصب لأنه مفروض به. وفي ثالثة جر رجل لأن العامل إلى عمل في الجر لأنه اسم مجرور به فهذا التغير من حالة رفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب تذكر من دي عن أصطر الإعراب c'est ça ce changement qui est à la fin du mot comme حركات des fois ça peut être autre que la حركات comme ça va venir. وهذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة هي علامات الإعراب. سي حركات من قلنا سوري سد الإعراب. سي كلي مرفوع بوكوا باسكو الضمة. سي كلي منصوب بوكوا لأن آخره فتحة. سي كلي مجرور بوكوا كعرفين كسرة. وهذه الكلمات التي تغير حال آخرها هي المعرب. دونك لا مانون سي ديفيرونس. لو مو c'est le mot arab et l'action c'est l'i'rab. Farik baynahuma. Le mot al-kalima dont la fin a changé, ce mot en lui-même s'appelle mot arab. Mais l'action du changement qu'il y a eu s'appelle i'rab. Farik bayna al-amal wa al-ma'mul fihi. Voyez, al-ma'mul fihi. Différence entre l'action et la chose sur laquelle l'action a eu lieu. قال ومعنى قول المصنف لفظا وتقديرا اي ان التغير يكون ظاهرا او مقدرا. لا ما نو يفو اكسبيكيه الكلام دي مصنف باسكو يل دي لفظا او تقديرا c'est-à-dire soit prononcé cette arabe elle est prononcée elle est apparente ou تقديرا elle est sous-entendue elle n'apparaît pas mais elle est présente mais tu la vois pas. ما معنى هذا فظاهر هو الذي يظهر اثره في النطق ولا يمنع من تلفظ به مانع او لا يمنع من تلفظ به مانع كظهور الضمه والفتحه والكسره في اخر كلمه رجل. دونك الظاهر هو الذي dont l'irab il est apparent et prononcé comme رجل. Là on voit la fin الضمه elle est présente رجلا la fatha elle est présente on la prononce رجل. La kasra est présente, on la prononce. Là, c'est zahir, c'est apparent. Il n'y a rien qui empêche de prononcer ou de voir ou d'écrire cette harakat à la fin du mot. Ama mukaddar walladhi la yazharu atharuhu fi nutq bi sabab mani' min al-mawani' kat'azur fi akhir kalimat al-fata. Fa in akhirahu alifun la yakbalu al-harakat wa innama tukaddar 'alayha. Wal mukaddar et celui dont le harakat n'apparaît pas à la fin, à cause d'un empêchement, parmi les causes d'empêchement. وَهَذِهِ il va en citer une seule. Il y en a trois principales. أَلَنْ يَتَكَلَمْ فِي التَّعَذُّرْ التَّعَذُّرْ مثلاً في كلمة الفتاة الفتاة الفتاة. C'est quoi la fin de الفتاة comme حرف؟ لا الحرف أولا. ألف. هذا s'appelle un اسم مكسور. اسم مكسور. La fin du mot est un alif. Et avant l'alif, c'est une fatha. Maqab la ou maftour. Ça peut être alif liyin ou mamdoud. Donc là, ce mot-là, s'il finit par alif, un ism maqsour, lui, la harakat ne peut pas apparaître. Elle est muqaddara, sous-entendu. Nahu qawlika ja'a al-fata. Wa ra'aytu al-fata. وسلمت على الفتى فالفتى في المثل الاول مرفوع لانه فاعل جاء الفتى صار فاعل على باز اللي مرفوع الفعل المرفوع on va le prendre après également le signe du raf du marfou à la base c'est quoi un dhamma est-ce qu'on voit une dhamma ici non pourquoi car le alif t'empêche de mettre une dhamma car le alif il est lazim bi sukun le alif il n'accepte aucune harakat ni dhamma ni fatha ni même kasra c'est sukun darouri obligatoirement donc là on a un empêchement donc là harakat l'i'rab qu'est-ce qu'elle est elle est muqaddara elle est sous-entendue donc c'est quoi son i'rab tu vas apprendre à faire les i'rab des kalimat là on dit quoi quand c'est un fa'il le asl tu dis مثلا جاء زيدون جاء زيدون c'est quoi l'irab de زيدون tu dis فاعل en premier le فاعل مرفوع il est مرفوع car le فاعل toujours مرفوع طيب وعرمة رفعه الضمة son signe de رفع c'est quoi la ضمة et ça peut être autre chose qui est l'asl il y a ضمة après on va voir c'est quoi qui remplace la ضمة احيانا Donc là maintenant dans Al-Fata, l'Irab avait un peu changé. On va dire Fa'il Marfou' wa aramatu raf'ihi al-dhamma al-muqaddara. C'est-à-dire la suite de son Irab, c'est la dhamma qui est sous-entendue. Voyez ? Et on peut rajouter la cause qui empêche cette apparition de la dhamma, c'est quoi ? Ça s'appelle At-ta'azzur. Ta'azur, en fait, c'est comme si le alif dit « Je m'excuse, je ne peux pas accepter de dhamma, ni de kasra, ni de fatha. Je m'excuse. » Ta'azur, c'est une forme d'excuse. D'accord ? Donc, tout ism maksur, dont la fin, c'est un alif. D'accord ? Al-haraka ya muqaddara. Elle est entendue. Et c'est quoi le mania, l'empêchement, ça s'appelle al-ta'azur. L'excuse. Tu dis « Mana'a min zuhurihi al-ta'azur. » Ce qui a empêché son apparition, c'est le ta'azur. Mana'a min zuhurihi et zuhur al-harakat ma wa lazi mana'ahu al-ta'azur. Tu diras souvent comme ça. Quand c'est un muqaddar, mana'a min zuhurihi kaza. Mana'a min zuhurihi kaza. Wa mana'a min zuhurihi kaza. Là, c'est le ta'azur. Pareil. Là, on a dit ra'aytu al-fata. Là, al-fata, ça veut dire quoi son i'rab? Donc tu dis quoi? Al-Fata, tu dis lui me Mafurun bihi Mansoub. Pourquoi il est Mansoub? Parce qu'à la base, Mafurun bihi est Mansoub. Comme le fa'il, il est marfou. Wa aramatu nasbihi al-fathatun muqaddara. Son signe du nasb, c'est la fatha. Mais il est sous-entendu. مَنَعَ مِنْ ذُهُورِهَا التَّعَذُّرِ Ce qui l'empêche d'apparaître, c'est التَّعَذُّرِ. Pourquoi ? Car c'est un ism maqsour, à la fin c'est un alif, et le alif n'accepte aucune harakat. Donc la harakat de l'Irab, elle est sous-entendue. Comme ça, là ? مَنَعَ مِنْ ذُهُورِهَا التَّعَذُّرِ Et troisième exemple, salamtu ala al-fata. Je pensais salam ou fata. Les exemples, on ne les traduit pas en général. Pourquoi? Qasduna wa al-i'rab al-nahw. C'est pas le ta'bir, c'est pas les kalimah. Celui qui ne comprend pas ces phrases-là, sa place n'est pas dans ce livre. Même les ayats, on ne les traduira pas à la base, à part si une haja. Car le but, c'est quoi le shahid? Nous, c'est l'i'rab, la fin du mot. La dhamma, la fatha, la kasra, le sukun. C'est ça qu'on veut, nous. Celui qui ne comprend pas ces choses-là, sa place n'est pas dans ce livre-là pour l'instant. Man yadulu sa'd al-kitab, yafham al-amthila aslan. Comprends pas l'amthila, on va dire ta place, c'est pas maintenant. Toi, retourne dans un kitab qui est en dessous de celui-là. Apprends des bases du vocabulaire, et kaza et kaza. Donc là, sallamtu ala al-fata. Al-fata, maza dakhala alayhi? Harfu jar. C'est quoi le travail du harfu jar? Il rend majrour. C'est quoi le signe du jar à la base? Kassara. Donc on dit quoi? Al-fata, majrour. Lidukhul harfu jar. Alayhi. Aramatu jarrihi, son signe de jar, al-kassara. Lakin al-mukaddara, sous-entendu. Pourquoi? Mana'a min zuhuriha al-ta'azzur. Tu as compris ça? C'est ça le sens de son kalem, takdira. Lafzain, c'est apparent, il n'y a pas de problème. Takdira, sous-entendu. Là, on a pris un mani'a. Un mani'a, c'est al-ta'azzur. Ce ta'azzur, il a dit quel ism? Ism maqsour. C'est quoi l'ism maqsour? Alladhi akhiruhu alif. Al-maftouh ma qablaha. Celui dont le mot à la fin, dernière lettre, c'est un alif, dont, qui est précédé par une fatha. Maintenant, on a deux autres mawani' principaux, qui viennent souvent. Il faut les prendre. Mohim, de les prendre. Dans la hashia, c'est noté. Il dit, mawani' zuhur, là, chauffe-nous. موانع ظهور الحركات ثلاثة التعذر comme موانع c'est التعذر on va prendre maintenant après on a الثقل et on a المناسبة الثقل c'est quoi c'est ce qui arrive في الاسم المنقص الذي آخره يا المقسومة قبلها Ism manqus. C'est un ism dont la fin est un ya et qui est maksour avant le ya, une kasra avant le ya. Le mani' c'est quoi? C'est al-thiqal, la lourdeur. Car prononcer une haraka sur un ya c'est lourd. الذي الاسم المكسور المنقوص عفوا المنقوص ما كان اخره يا لازم مكسور صيغه الحاشيه سو اسم منقوص لا يظهر في آخره الضمة والكسرة فقط أما الفتحة تظهر il n'y a pas de ضمة qui apparaît à المقدرة et il n'y a pas de كسرة qui تظهر à المقدرة par contre la فتحة elle apparaît pourquoi? Parce qu'elle est خفيفة مثلا tu dis القاضي القاضي le juge tu dis جاء القاضي Tu dis pas le qadiyu. Pourquoi? Lienna fihi thiqalan. Il y a une lourdeur. Elle dit le qadiyu. Ou la arabe, tu t'attaques bi kalam khafif. Tu aimes les khiffa. Ils aiment les kalam qui sont légers. Donc là, ja'a al-qadi. Al-qadi fa'il. Marfou'. Ou aramatu raf'ihi. Al-dhamma al-muqaddara. الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل لو معنيه لا تسبل الثقل سي بوت تعذر الثقل tu dis سلمتو على القاضي طيب سلمته في دي القاضي القاضي في دي قاضي اسم مجرور ماذا مجرور في على كي entre dessus وعلامات جره الكسره المقدره طيب الكسره كي sous entendu منع من ظهورها الثقل ce qui l'empêchait d'apparaître cette kasara c'est athiqal la lourdeur tamam la lourdeur amma al fathatu fahiya zahira liannaha khafifa tu dis ra'aytu al qadiya j'ai vu le qadi et là il y a pas de problème de dialogue tu dis maful bihi mansub wa ramat nasbi bi fatha zahira il y a pas de problème donc dans athiqal ça empêche d'apparaître un dhamma ou al kasra فقط اما الفتحه فهي ظاهره ça s'appelle athiqal pourquoi athiqal la lourdeur لماذا لان الضمه والكسره فيهما ثقل اذا نطق في اخر الياء attention c'est pas tout ism qui finit par un ya qui font ce jugement Ça ne te rentre pas dedans. Kursi, tu dis kursiyun. Ça, c'est pas ism mankous. Ça ne rentre pas dedans. Ça, c'est encore d'autres bêbes qui rentrent dans le sens. On ne va pas s'attarder dessus maintenant. C'est simple. Ism mankous, comment tu le reconnais? Lorsqu'il est nakira, le ya, il se prononce pas, c'est tanouin. Et lorsqu'il est ma'rifa, le ya, il apparaît. C'est celui-là le mankous. Si on l'appelle mankous, c'est-à-dire on le réduit. Par exemple, tu dis kadin. Et tu dis el-kadi. Tu dis Mardin, tu dis El Mardi. C'est celui-là le Mankous. C'est celui-là qui prend le jugement du Sikal. Ama El Kursi, il ne rentre pas dedans. Mathalem. Troisième mani, Yusamma El Munasaba. La convenance. On dira comme ça. Bien que, il n'y a pas traduit. C'est juste qu'on prenne le marna. El Munasaba. Qui est une cible, c'est une chose qui convient, qui est adéquate. Mawa dhabituhu, kullu ismin udhifa ilayya al-mutakallim. Un ism qui est apparenté au ya mutakallim. Ana, kitabi, bayti, seyyarati, waladi. Voyez, là, le mudhaf, c'est le ism, et le mudhaf ilayhi, c'est le ya mutakallim. Ce ya, c'est un ism. C'est un dhamir. فَكُلْ إِسْمٍ أُضِيفَ لِيَا مُتَكَلِّمٍ الْحَرَكَةِ مَا تَظْهَرْ فِي أَخِيرِ كَلِمَةِ لماذا؟ للمناسبة. Car le « ya » متكلم, qu'est-ce qui lui revient avant? C'est tout. On ne peut rien mettre d'autre devant. Tu ne peux pas dire « هذا ولدي »« هذا ولدي » Il n'accepte pas de harakat le « ya » متكلم devant. Donc c'est toujours une kasra qui vient devant. Donc, cette kasra t'empêche de mettre la dhamma du raf ou la fatha du nasb ou la kasra du jar. Elle t'en empêche. Tu vas dire Ja'a waladi. Waladi, c'est le consonant i'rab. Waladi, fa'il, marfou, waramatu raf'ihi, al-dhamma, al-muqaddara, mana'a min zuhuriha, al-munasaba. C'est ça l'i'rab. Non, après c'est automatique. في البدايه كذا في الاخر سترى تستوني بكذا مستشرب الماء تتزيع على بكم ça au début c'est toujours un peu facile mais à force de voir de répéter inchallah ça va être مظبوط avec toi c'est tout عليه بالجمل والكلمات بسرعه inchallah taala الا بعدها au début c'est toujours comme ça après tu vas voir ça va être automatique à force de répéter ça va rentrer طيب ثم ناكل رايت ولدي لا ولدي ça va être quoi مفروض به منصوب ورمة النصب به في السجد النصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها ماذا؟ لا نقول لا المتكلم لا نطخ نوم نفكي سيكوا صنوم المناسبة أيوة ستخدم سأغزم تول رست المناسبة سلمت على ولدي لا ولدي اسم مجرور سبب على كي رنتر دسوه عرمة جره الكسرة المقدرة attention là La kasra de waladi, c'est pas celle du jar. C'est pas celle du jar. Et celle d'el munasaba pour le yam mutakallim. C'est pas les mêmes. Là, la kasra du jar, elle est en dessous de la kasra du munasaba. La dhamma du raf, elle est en dessous de la kasra du raf, du munasaba. La fatha du nasr, elle est cachée en dessous de la kasra du munasaba. Elle est là, mais elle est cachée, tu la vois pas. Tu ne la prononces pas, tu n'écris pas. Donc là, tu as pris El Mawani. Le livre, El Kitab, Yaskur, Mani'an Wahidan wa Ta'azur. Nahnu Zidna Mani'ain. Fahada, la bout Yabka Ma'ak. Car c'est des choses qui sont très fréquentes. وهذا سواء كان في الاسم او في الافعال c'est pareil quand tu fais l'i'rab d'un verbe c'est la même chose le verbe al-thiqal yadkhul fihi wa at-ta'azzur yadkhul fihi tadil yani finis par alif yansa zaydun مثلا yansa zaydun yad'u le waw il rentre dans le jument du ism manqus un verbe qui finit par un waw yad'u Salen, Yanjou, il rentre dans le jugement de Athikal. Et ça, on le prendra avec l'Afal, Inch'Allah. Donc, Khurasa Dersna Al-Yum. On a appris, on est entré dans Al-Yarab Al-Bina. Al-Yum, Akhazan Yarab, Fakat, Radan Al-Bina. Al-Yarab, c'est quoi? Kunna wa Tariyir, Awakhil Kalima, L'Ikhtilaf Al-Awamil. C'est que la fin, la harakat du mot à la fin change à cause des agents qui agissent dessus. Ma yaj'aluhu marfou'an, ce qui le rend marfou, avec une dhamma ou ce qui la remplace. Ce qui le rend mansouban, avec une fatha ou ce qui la remplace. Ou ce qui le rend majrouran, avec une kasra ou ce qui la remplace. Dans les af'al, ce qui le rend majzouman, on n'a pas pris là, mais ça va venir. Avec une soukoun ou ce qui la remplace. Et ça, l'i'rab. La fin du mot, elle change à cause d'un amil. Donc, le sens de la phrase change, le mot, son statut grammatical, il change. Et cette i'rab, on a dit, quand takounou, lafzan, apparente et prononcée, ou quand takoun mukaddara, sous-entendu. Sous-entendu pourquoi? À cause d'un ma'ani, un empêchement. Ou à khazna, salasa wa ma'ani, on en a pris trop aujourd'hui. Le ta'azur, concerne un ism dont la fin c'est un alif. Pour pas de harakat. On a pris, al-thiqal. La fin, ce qui est un ya, pas même, il se monte course, ça peut être un waouh dans les afal. On l'a pas cité. On a pris el munasaba. C'est quoi? C'est le ism qui est mudaf, il est yamutakallim, qui n'accepte que la kasra devant. Fahim ta'ada? Taïb. Fahada, rakkiz alayhi, wa sabbithu fi zidik. C'est très important. Et on a expliqué également la différence entre al-i'rab ou al-mu'rab. Al-i'rab ou al-amal, c'est le travail. Ou al-mu'rab ou al-ma'moulu fi, c'est la chose sur laquelle a eu lieu l'i'rab, c'est-à-dire le ism ou le fi'l sur lequel l'i'rab a eu lieu. Mafhoum hadha? Tu as compris cela? Pas bien. Ça n'a qu'il faut aller l'yom. Voilà. Faut que tu révises, tu l'as dans ta tête, Inch'Allah. Car je voulais prendre le bilan, mais ça va te faire beaucoup, d'un coup. N'a que ta fille bien à l'yom. Et ça, comme je t'ai expliqué, hada aham. Aham ma yakun fi hada al-fan, hada al-ilm. C'est ça, là. Tout le reste, ça amène à ce résultat-là. Savoir à la fin c'est quoi l'alob, pourquoi il est marfour, pourquoi il est mansoub, pourquoi il est majrour, pourquoi il est majoum, c'est quoi l'amil. Et après, tu comprendras le sens de la phrase. Si t'as pas compris ça, le nahou, il s'écroule. T'as compris ça, le nahou, il va se construire, il va se bâtir, et tout le reste, inshallah, va être basé là-dessus. Al-i'rab wal-bina. Et ça, le cœur du nahou. Fa'ila huna, wa alhamdu li rabbil alamin.